pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, la rainette singe. La première chose qui frappe lorsque l'on regarde cette rainette amazonienne, c'est son œil de chat. Elle possède de gros yeux globuleux avec une pupille en fente verticale qui se dilate la nuit venue pour devenir ronde et capter un maximum de lumière. Car notre amphibien est un animal nocturne qui la journée reste immobile, replié sur lui-même, quasi invisible, car aussi vert que la feuille sur laquelle il a choisi de s'installer. Une dizaine de centimètres, un ventre crème pour une peau globalement d'un beau vert soutenu qui commence à se mouvoir lorsque la lumière baisse et que la nuit s'installe. C'est alors que l'on prend la mesure du surnom de la Philomédusa bicolore, à savoir la rainette singe. Car cette créature grimpe aux arbres à la force de ses petits biceps, un peu à la manière des primates, en concédons-le un peu plus de temps. La comparaison s'arrête là car en réalité, contrairement au singe, cette grimpeuse hors pair possède à l'extrémité de ses doigts et de ses orteils, qui sont préhensiles, des sortes de disques adhésifs lui permettant d'adhérer aisément à toutes les surfaces, même les plus verticales. On la trouvera donc facilement, en hauteur dans les arbres, chasseuse, à la recherche d'insectes et de petites bêtes. Lorsque la saison des pluies arrive, la Philomédusa bicolore se lance dans une nouvelle activité ô combien prenante, la recherche d'un partenaire sexuel. Les mâles vont se rassembler autour d'un point d'eau et chanter en chœur, en se déplaçant, lançant ainsi leur chant de séduction dans toutes les directions. Il s'agit bien évidemment de conquérir une femelle, mais aussi de signifier aux autres mâles de se tenir à distance. Distance qui, hélas, n'est pas toujours respectée, ce qui entraîne alors des corps à corps entre rainettes très physiques. On s'empoigne et on mesure sa force jusqu'à ce que l'un des deux lutteurs cède, ou pire, qu'il tombe à l'eau ou au sol. L'enjeu est de taille, car il y a plus de mâles que de femelles, et qui plus est, c'est la femelle qui sélectionnera son reproducteur en fonction de la qualité et de la puissance de son chant. Le choix une fois effectué, les deux protagonistes se retrouveront dans un court face-à-face qui se conclura par le demi-tour de la femelle. Le mâle lui montera alors sur le dos, selon une méthode bien connue des amphibiens, et généralement passif, il se laissera véhiculer par la femelle jusqu'au site de ponte des œufs. Si les scientifiques se sont intéressés à cette rainette, ce n'est pas uniquement à cause de son physique simiesque. C'est aussi parce que sa peau sécrète une substance que l'on peut récupérer par simple pression ou raclage et qui contient de la deltorphine, une molécule active toxine opioïde plus puissante que la morphine. Chose que savaient parfaitement certaines ethnies amazoniennes qui s'en servent encore aujourd'hui comme médicament quand elles ne l'utilisent pas comme les Matsé du Pérou pour des rites magiques de préparation à la chasse. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay avec la complicité de Renaud Boistel du CNRS et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.